Tu as une sale mine. Ah bon? Oui. Bah, qu'est-ce que tu veux? C'est pas de boulot. Hein. C'est moche. Et plus ça va aller, moins il y en aura. Oh, bah, bravo. C'est... Mais tu sais ce que tu pourrais faire, c'est aller voir une agence d'intérim. Parce que là, je te trouve bien palo. Et si tu veux pas te retrouver cul nu sur le bord du trottoir, il faudra faire quelque chose, quoi, se ressaisir. Derrière les remparts de la citadelle, le désespoir, l'ennui le même qui incite à la déprime. Tous les jours sont des dimanches et le bonheur qu'on discrimine. Lassitude et défense sont deux mèches dans les démarches. Décris cette ville qui est la mienne et cette démence qui s'en détache des rues désertiques. La réalité tombe le masque d'une classe politique qui manipule à souhait la masse. Ils construisent un centre nautique et dissimulent ainsi la crasse de l'effondrement économique qui conduit le peuple dans une impasse. Il n'y a plus de consommation car ils ont circoncis les postes. Il n'y a pas de consolation car ils ont introduit la peste sous la forme de l'abandon des ouvriers laissés en reste. À côté de ça, les commerçants s'inquiètent quand ils voient flamber le sapin. Ils en font toute une assiette. Moi je déguste la sentence d'un geste vain, évoquant un Noël sans fête. Ce mode de vie nuit gravement à la santé. Je crois que l'ennui est ici, le désespoir est entré. Ma ville est un enfer, le désarroi est ancré dans les esprits. La diagonale du vide est tracée. Ce mode de vie nuit gravement à la santé. Je crois que l'ennui est ici, le désespoir est entré. Ma ville est un enfer, le désarroi est ancré dans les esprits. La diagonale du vide est tracée. Les usines se sont envolées par le premier avion. Sans les ouvriers abandonnés à la mort par l'amiante aviron. Car on rame quand on a 50 ans. Retrouver un poste c'est zéro chance sur 100%. J'ai la rage érigée de la crise sociale donc. Bad brains en égérie de la culture punk. C'est officiel, l'usine McCormick se sépare de ses fils qui ont officié depuis 50 comme des fidèles. Comme d'habitude, les patrons tirent les ficelles. Au journal, des pneus qui brûlent, ça fait toujours bien sale. En plus de la presse, ces enculés font leur vaisselle. Détournent les revendications, profit de ce qui fonctionne. Image de dégradation, les misères qu'ils consomment. Ça vend bien plus qu'un combat noble. Moi, je consomme ces journalistes qui déraisonnent constamment. De l'info spectacle qui empoisonne. C'est ainsi que les médias résonnent. Les beaux discours t'affectionnent, mais la vérité se fonctionne. Et ça fait que ça, mais ça t'étonne. Ce mode de vie nuit gravement à la santé. Je crois que l'ennui est ici, le désespoir est entré. Ma ville est un enfer, le désarroi est ancré dans les esprits. La diagonale du vide est tracée. Ce mode de vie nuit gravement à la santé. Je crois que l'ennui est ici, le désespoir est entré. Ma ville est un enfer, le désarroi est ancré dans les esprits. La diagonale du vide est tracée. Ce mode de vie nuit gravement à la santé. Je crois que l'ennui est ici, le désespoir est entré. Ma ville est un enfer, le désarroi est ancré dans les esprits. La diagonale du vide est tracée. Ce mode de vie gravement à la santé, je crois que l'ennui est ici, le désespoir est entré. Ma ville est un enfer, le désarroi est ancré dans les esprits, la diagonale du vide est tracée. Les grands projets urbains prennent forme dans la maison de retraite. Le nouvel hôpital, l'abnégation de la jeunesse. Peu de culture, cette aberration donne la jaunisse. À côté de sa conseil, fait venir des stars jaunes pistes. La liberté s'effondre dans l'idiotie de la police. Ma génération se réfugie souvent dans l'alcoolisme. J'ai peu de moyens d'action, mais j'étudie pour que ça cesse. Car la culture est le seul chemin qui mène vers la justesse. Le courage s'enlise, mais il faut que la dignité reste. Car le licenciement grise et pousse parfois à certains gestes. L'injustice est de mise à l'impuissance et la détresse. L'industrie est en crise, à l'évidence elle met en stress toute une classe sociale qui subit et qui encaisse les directives des éminences qui eux s'engraissent. Le seuil de pauvreté conduit au deuil de l'humilité. Je pèse pas bien lourd, espère avoir un peu d'utilité. Ce mode de vie nuit gravement à la santé. Je crois que l'ennui est ici, le désespoir est entré. Ma ville est un enfer, le désarroi est ancré dans les esprits. La diagonale du vide est tracée. Ce mode de vie nuit gravement à la santé. Je crois que l'ennui est ici, le désespoir est entré. Ma ville est un enfer, le désarroi est ancré dans les esprits. La diagonale du vide est tracée. Ce mode de Alors ça va? Bien fini la journée de travail? Parce que ça doit être fatigant de refuser du travail aux gens, hein? Vous aviez l'air bien costaud derrière votre bureau à me faire passer pour un nul. Ça va? Vous vous souvenez de moi, hein? Vous voyez? Vous avez une maison, une voiture, des vêtements et du fric bien au chaud dans une banque? Eh ben moi, de mes 35 ans de travail, il ne reste rien. Ce qui reste de ma vie, c'est pas sur votre petite fiche, c'est mon flingue. Ah, je suppose que vous avez pas l'habitude des flingues. Mais moi, c'est du fric que j'ai pas l'habitude. Pourtant, moi aussi, j'aurais préféré une vie normale comme la vôtre. Après 35 ans de travail et d'honnêteté, je vois mon ancien fournisseur qui me traite comme si j'étais le plus minable des clochards. D'accord, monsieur le petit chef. J'ai peut-être perdu. Je suis une merde. Mais une merde avec un flingue. Et parce que votre petit pouvoir ne me fait plus peur, et ben là, entre nous deux, c'est moi qui aurai le dernier mot. Et là, je lui colle mon flingue contre la nuque. Et je vois son visage de tantouche qui se décompose de peur. Qu'est-ce qu'il y a? Tu chies déjà dans ton froc? Mais pourquoi tu joues à la petite fille? Parce que je suis chômeur. Ou c'est à cause de mon quartier? Mais tu sais ce qu'il te dit, le chômeur? Eh ben, le chômeur, il t'encule.